vous ne croyez à rien. Ni à Dieu, ni aux ovnis, ni à l'amour, ni à l'art. Vous ne croyez à rien d'impalpable. Vous ne croyez à rien d'invisible. Vous croyez au pognon, vous croyez à votre bite, vous croyez à Cyril Hanouna. C'est pour ça que vous ratez tout. Et c'est pour ça que vous allez mourir, sans même vous en apercevoir. Et votre existence continuera comme si de rien n'était. D'ailleurs, c'est déjà le cas. Vous êtes mort depuis 10 000 ans. Et continuez à prendre le métro, à faire la grève, à vivre en osmose avec votre fiche de paix, votre bite, le plasma qui circule dans votre télévision, les pixels qui remplacent dans vos veines le sang, le faux sperme de YouPorn qui remplace votre âme. Vous ne croyez à rien. Vous ne voyez rien. Vous ne comprenez rien. Vous êtes mort depuis toujours. Votre décès a eu lieu des siècles et des siècles avant votre naissance.